Au sport. Dans la Ligue de soccer benjamin masculin division 2, Louis-Saint-Laurent rencontre le Mont-Saint-Anne à François-de-la-Place le 8 avril à 18 h.